Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 2, Gaumet-Dupré 1861. Question 25. De l'ordre respectif des passions. Ordre des passions de l'irascible par rapport aux passions du concupiscible. Ordre des passions du concupiscible entre elles. Ordre des passions de l'irascible. Quatre passions principales. 1. Les passions de l'irascible sont-elles antérieures à celles du concupiscible? Les passions de la faculté irascible ne sont pas antérieures à celles du concupiscible, elles les ont, au contraire, pour principe et pour fin. D'abord, les passions du concupiscible ont pour objet le bien absolu, tandis que celles de l'irascible ne se rapportent qu'à un bien qui est difficile, à un bien restreint, et conséquemment postérieur au bien absolu. Ensuite, il est évident que les passions de l'irascible cherchent le repos dans le bien, ce qui est avant tout le but du concupiscible. On doit observer néanmoins que, dans l'ordre d'exécution, les passions de l'irascible précèdent parfois celles du concupiscible, par la raison même que le repos, qui est en premier lieu dans l'intention, n'arrive que le dernier comme fin d'un mouvement, ainsi l'espérance précède la joie. 2. L'amour est-il la première passion du concupiscible? Saint Augustin dit, toutes les passions émanent de l'amour, le désir est l'amour à la poursuite de son objet, la joie n'est autre que l'amour en possession de son objet. Le concupiscible, il est vrai, se rapporte au bien et au mal, mais, le bien précédant naturellement le mal, qui est une privation, les passions qui, dans le concupiscible, ont le bien pour objet, doivent naturellement passer avant celles qui fuient le mal, la fuite du mal supposant la recherche du bien. Note. Je ne hais la maladie que parce que j'aime la santé. Je n'ai d'aversion pour quelqu'un que parce qu'il est un obstacle à ce que je puisse posséder ce que j'aime. Confère Bossuet. Fin de la note. Pour comprendre maintenant que l'amour est la première de toutes les passions du concupiscible, il faut considérer que le bien est une fin, et que tout être qui tend à une fin doit avoir en lui-même, et avant tout, une sorte d'aptitude et d'inclination pour elle. Or, cette aptitude ou inclination n'est autre chose que l'amour, le mouvement vers ce bien, c'est le désir, et le repos dans le bien, c'est la joie. L'amour occupe donc la première place dans les passions du concupiscible. Note. À le bien prendre, tous les mouvements qui nous agitent ne sont que des amours déguisés, nos désirs et nos espérances, nos craintes et nos joies ne sont que des formes diverses de cette faculté essentielle et primordiale de nos âmes. L'amour, dit le Père Sonneau, est comme la mer qui prend des noms différents dans les diverses contrées qu'elle baigne de ses flots. Fin de la note. 3. L'espérance est-elle la première passion de l'irascible? L'espérance est la première passion de l'irascible. En effet, elle est la plus rapprochée de l'amour, qui est la première de toutes les passions. Ensuite, de toutes les passions de l'irascible, elle est celle qui se propose le bien d'une manière plus directe et plus parfaite. Elle passe avant le désespoir, car elle se rapporte à un bien dont le désespoir s'éloigne, elle passe avant la crainte et l'audace, puisque la crainte provient du désespoir, et l'audace de l'espérance même de la victoire. Elle passe enfin avant la colère, qui est une conséquence de l'audace, nul ne poursuivant une vengeance avec colère, s'il n'a l'audace de se venger. 4. Peut-on dire qu'il y a quatre passions principales? Assez généralement on nomme principales les quatre passions suivantes, la joie, la tristesse, l'espérance et la crainte, parce que les deux premières, la joie et la tristesse, ont pour objet les biens et les maux présents, les deux autres, l'espérance et la crainte, les biens et les maux futurs. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.